souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite et jusqu'à 14h avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. C'est ça qui frappe le plus quand on arrive en Iran pour la première fois, c'est la fierté de n'importe quel Iranien de parler de leur passé prestigieux. Cette semaine, retour en Iran. C'est à la fois une puissance politique, culturelle, littéraire qui a façonné quelque part la région. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Depuis la révolution islamique de 1979, il y a effectivement une lutte au couteau entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership du monde musulman. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les chiites sont formés à pratiquer ce qu'on appelle interprétation, ce qui s'appelle en arabe ijtihad. Il y a un sentiment en Iran que l'Occident n'a absolument aucune légitimité à dire à l'Iran ce qu'il doit faire sur son programme nucléaire. Fabrizio Special est professeur à l'École supérieure d'études en sciences sociales, le HESS, du Centre d'études sur l'Asie du Sud à Paris. Ses recherches portent sur l'histoire des sciences et la culture persane de l'Asie du Sud. Il poursuit son étude analytique des œuvres persanes, illustrant les traditions apprises des Indiens, comprenant des traités, des traductions produites en Inde entre le XIIIe et le XIXe siècle, dans bien des domaines, théologie, musique, médecine, etc. Pour résumer, je m'occupe notamment de l'histoire des sciences et du savoir à l'intérieur des sociétés persanes du monde iranien, donc pas seulement de l'Iran, mais notamment de l'Asie du Sud. Il faut considérer qu'à partir de l'époque médiévale, la langue persane devient une langue très très importante à l'intérieur de la culture musulmane de l'Inde et de l'Asie du Sud. À la fin de l'époque safavide, de l'époque moghole, c'est-à-dire donc, on peut dire vers les débuts du XVIIIe siècle, les mondes indiens, l'Asie du Sud, comptaient quelque chose comme peut-être 5 ou 6 fois plus de lecteurs capable de lire les persans qui n'ont le plateau iranien. C'est là pour différentes raisons, la plus importante desquelles est que la population des empires musulmans moghuls de l'Inde, il était 10 fois plus important de la population à la même époque de l'empire safavide en Iran. Une autre raison très importante, c'est la migration des savants iraniens, donc persanophones, qu'il y a eu à partir de l'époque médiévale jusqu'à presque le début de l'époque coloniale du monde iranien, du plateau iranien et aussi de l'Asie centrale vers les mondes indiens. L'Asie du Sud, c'est qu'aujourd'hui on considère le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Quelle est la raison, ou quelles sont les raisons de cette migration? De cette fuite des cerveaux? Oui, exactement, une vraie fuite des cerveaux, on peut dire. Mais les raisons sont différentes. En premier lieu, il y avait des raisons économiques. À cette époque, les cours musulmans de l'Inde, notamment certaines comme la cour des Moghols, étaient des cours très très riches, dans lesquels les salaires pour les savants, les médecins, les astronomes, les poètes, les lettrés, etc., habituellement étaient beaucoup plus importants qu'à la même époque en Iran. Il faut penser que l'Inde moghole, comme je disais, il avait une population qui était au moins 10 fois supérieure à celui-ci de l'Iran safavide. Donc les impôts, les revenus de ces États musulmans de l'Inde, il était beaucoup supérieur à la même époque. On fait confiance à la matière grise, et pas seulement à la matière grise alors. Des sultanats indiennes à l'époque médiévale, ensuite des grandes moghols, c'est-à-dire l'empire qui arrive au pouvoir au début du XVIe siècle en Inde, sont des cours qui donnent un patronage vraiment très très important à tout ce qui est culture et littérature persane. Une autre raison fondamentale aussi sur les plans politiques est le fait que plusieurs de ces États musulmans dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ils déclarent les persans comme la langue officielle de l'administration moghole. Ce qui a une portée politique très très grande, mais aussi une portée scientifique et culturelle. Une autre raison fondamentale, c'est aussi qu'à une certaine époque, en Asie du Sud, se commence à développer une classe vraiment importante des savants hindous persanophones. Donc le persan, il commence à être une langue utilisée pas seulement par les savants musulmans, mais aussi par les savants hindous. Les savants hindous commencent à étudier dans les madrasas, c'est-à-dire l'école persane de l'Inde, surtout pour obtenir les diplômes qui lui consentent de se présenter pour les postes de l'administration impériale, dans laquelle les persanes étaient la langue officielle. Cela, c'est la raison pour laquelle, la première raison, mais ensuite, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il se développe une vraie classe des lettrés hindous persanophones qu'il commence à composer des ouvrages en persan sous vraiment des disciplines et des matières très différentes. Soit des matières liées à leur emploi dans l'administration publique, par exemple la SIAC. Le SIAC, c'est la comptabilité. Et l'INSHA. L'INSHA, c'est l'épistolographie, c'est-à-dire l'art de l'écriture des lettres officielles. Soit dans ces domaines qui étaient des domaines très techniques liés à leur emploi dans l'administration, on peut dire presque tous les domaines possibles, de la poésie à les biographies des poètes, jusqu'à en matière scientifique, etc. On trouve même en Asie du Sud certaines chrétiennes indiennes qui écrit des textes en persan. Donc on peut dire qu'à cette époque, vraiment, les persans, ils deviennent en Asie du Sud la lingua franca d'un milieu scientifique qui n'est pas absolument dominé entièrement par les savants musulmans. L'un des projets fondamentaux sur lesquels je travaille au cours de ces années s'appelle Perso Indica. Nous allons, avec un groupe de collègues et de chercheurs dans plusieurs universités européennes, américaines et asiatiques, à constituer les premiers répertoires analytiques descriptifs de tous les textes en persan sur les savoirs des hindous, qu'il faut composer dans l'Inde, dans le sous-continent indien, à partir du XIVe siècle jusqu'à vraiment au XIXe siècle. On a affaire à un répertoire numériquement important. Oui, oui, on a affaire vraiment à un répertoire vraiment important. On peut considérer que les mouvements de traduction et d'écriture des savoirs indiens en persan constituent l'une des plus grand mouvement de transfert des savoirs qui a été jamais réalisé entre différentes cultures asiatiques. On peut dire comparable pour dimension au mouvement de traduction des sources grecques vers l'arabe, ou des sources arabes vers les latins, ou des sources sanscrites vers d'autres langues asiatiques, etc., mais qui reste aujourd'hui parmi tous ces mouvements les moins étudiés. Fabrizio Spezial, quand on a affaire à un phénomène aussi ample qu'on peut donc l'étudier au travers de quantités de documents, de sources, que l'on peut faire main recoupement, qu'est-ce que, à ce moment-là, on peut réussir à construire comme récit pour une science donnée, par exemple la médecine, dans la traduction qui en est faite? Est-ce que la traduction trahit, pour reprendre la formule connue? Voilà, est-ce qu'on peut présenter un peu ça? Oui, bien sûr, c'est l'une des problématiques fondamentales qu'effectivement nous allons analyser à l'intérieur de ces programmes de recherche, c'est-à-dire la façon dans laquelle ces textes étaient traduits, c'est-à-dire tous les processus herméneutiques qui venaient avec la traduction de ces textes. Alors, il faut considérer, je pense, deux questions très importantes. La première est que nous n'avons pas seulement la traduction directe d'ouvrages du sanskrit en persan. À partir d'une certaine époque, nous avons aussi la production, et c'est là c'est très intéressant, des nouveaux textes originaux en persan sur les savoirs hindous. C'est là, c'est une première question. La réinterprétation, en quelque sorte. Oui, exactement. Et donc, c'est là, c'est une première question. Donc, plusieurs textes n'étaient pas directement des traductions, mais étaient des textes basés souvent aussi sur l'expérience personnelle, sur ce qui étaient les savoirs transmis à travers les rapports de maître-disciple. Il faut penser qu'à cette époque, l'institution, les cadres fondamentaux pour la transmission du savoir médical, scientifique, etc., étaient la famille, en premier lieu, et en deuxième lieu, l'enseignement privé et oral. Deuxième question, on peut dire que jusqu'à une certaine époque, en réalité, il y avait très peu, probablement, des savants musulmans capables de lire directement les textes sanscrits et les traduire en persan. Donc, souvent, ces traductions étaient réalisées par des groupes de savants indiens, qui collabore avec des savants musulmans. Nous savons que souvent la traduction s'est passée à travers une troisième langue, qui était une langue vernaculaire, c'est-à-dire la hindi ou urdu, qui était probablement la langue parlée soit par les savants hindous, soit par les savants musulmans. Donc la méthode de la traduction était que les textes étaient traduits en hindi par les savants hindous. Ensuite, les savants musulmans, ils faisaient la traduction en persan à partir du texte hindi. Il faut considérer une question très importante. Au début, lorsque les Anglais arrivent en Inde, les premières sources importantes qu'ils utilisent pour connaître les traditions hindoues ne sont pas des sources sanscrites, mais sont des sources persanes. Parce qu'à cette époque, les Anglais, lorsqu'ils arrivent, ils sont portés à apprendre les persans, parce que les persans étaient la langue de l'administration officielle moghole, et ensuite des états princiers qui commencent à émerger avec les déclins de l'Empire moghol, simplement parce qu'à cette époque, le sanskrit était une langue réservée aux brahmines. Le sanskrit était une langue parlée par une minorité des hindous. Il ne faut pas oublier cela. Donc, je pense simplement que pour les Anglais, au début, il était simplement impossible de trouver des brahmines qui étaient disponibles à enseigner les langues sacrées des traditions hindoues à des sampours comme les Anglais. Je pense que c'était hors question. Et donc, à cette époque, les textes persans sur les traditions hindoues jouent surtout pour un demi-siècle. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du siècle suivant, un rôle fondamental pour les premiers Anglais pour avoir accès au savoir indien. Il faut penser que la première traduction en langue européenne des textes comme les Upanishads ou des sortes classiques de la tradition anglaise indienne comme les Bijaganita ou les Shalikotra sont tous basés sur les traductions persanes de ces ouvrages réalisés par les savants musulmans à l'époque moghole. Une autre raison qu'il faut aussi considérer du rôle qu'il y a à les persans, surtout au début de l'époque coloniale, jusqu'au début de l'époque coloniale et dans les milieux coloniales, c'est l'effet fondamental que l'administration britannique garde pour les premières périodes, pour la première période, les persans comme langue officielle de l'administration de la East India Company. C'est seulement en 1835 que l'anglais substitue les persans comme langue officielle de l'administration. Dans ces phases multiples de traduction, est-ce que pour le compte, on arrive, on se rend compte qu'il y a éloignement, réadaptation, relecture, si j'ose dire, et adaptation au milieu ambiant, ou bien on est dans la littéralité du texte originel? On trouve certaines tentatives de traduction littéraire de certains de ces textes, mais la plupart de ces textes étaient totalement réinterprétés. Par exemple, il y a des études aussi des textes que j'ai étudiés, sur lesquels j'ai publié des articles dans lesquels il est évident que souvent les musulmans, ces traducteurs musulmans, ils interprètent et adaptent les contenus des savoirs indiens à la forma mentis, à la mentalité des lecteurs musulmans et persanophones, absolument. Pour vous donner une idée de cela, que c'est très très intéressant, et c'est surtout l'usage qu'on retrouve des traditions du prophète Mohammed sur la médecine, qu'ils sont souvent cités au début des traités persans sur la médecine ayurvédique. D'accord? Donc, l'usage de ces traditions, parce qu'il y a un certain nombre de traditions du prophète Mohammed qui regardent la médecine, la santé, la maladie, etc. Il y a aussi un certain nombre de traditions dans lesquelles le prophète il dit c'est bien d'utiliser telle substance, cet autre remède, etc., etc. Et donc, il y a un certain traité persan sur la médecine ayurvédique qui était introduit par des discussions, des traditions prophétiques, dans les buts notamment d'adapter les contenus et les sujets de l'ouvrage à un public musulman. On trouve même un texte très intéressant de ce point de vue qui s'appelle « Mu'alijat an-Nabawi », c'est-à-dire « Les remèdes prophétiques ». Dans laquelle cet auteur, il va pratiquement parler des remèdes de la tradition ayurvédique et des traditions du prophète Mohammed à cet égard. Et en réalité, les traditions de Mohammed mentionnées dans les textes sont seulement quelques. C'est vraiment un nombre très très limité. Par exemple, d'une substance très utilisée dans la pharmacopée ayurvédique, qui est un composant très important, soit dans la médecine abyssinienne, soit dans la médecine ayurvédique. Il y a une tradition du prophète dans laquelle le prophète il dit qu'une fois il a mangé ces substances, il l'a trouvé très agréable. C'est tout. Mais de toute façon, cela il forme les cadres, les contextes de l'ouvrage à travers lesquels un savoir étranger il était aussi présenté pour des lecteurs musulmans. On est parfois à la lisière, si je vous entends bien, du remède de bonne femme, pour le dire de manière un petit peu réduite, mais il est évidemment intéressant de dépasser cette seule lecture approximative pour comprendre, réaliser quelle est la fonction de ces ouvrages à l'intérieur de la société. Est-ce qu'au fond, de partout, la discipline concrétise le dogme ? Chaque discipline est un ensemble du tout ? Ou c'est une très mauvaise interprétation que je fais là ? Non, je pense qu'il faut considérer une question importante, surtout pour les domaines scientifiques, et pas seulement pour les domaines scientifiques, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'il y avait des raisons très très pratiques aussi par la composition de ces ouvrages. Vraiment des raisons pratiques d'un côté, et de l'autre côté, des raisons des pouvoirs et des hégémonies culturelles. Les raisons pratiques, c'est surtout la question que dans la médecine, dans ces domaines, lorsque les savants musulmans arrivent en Asie du Sud, ils ont des très très grands problèmes à trouver en Inde les remèdes simples qui étaient mentionnés en arabe et en persan dans leurs textes. Des références. Donc c'est là, c'est la question fondamentale, la raison fondamentale pour laquelle ces auteurs, ces savants au début, ils sont poussés à écrire des textes sur la pharmacopée ayurvédique, sa richesse incroyable, etc. Il y a plusieurs livres qui le disent très très clairement, c'est là. Lorsque nous sommes arrivés en Inde, nous avons rencontré de très grandes difficultés aussi parce que... Donc il y avait urgence. Oui, exactement. Et donc, cette recherche, on peut dire, énorme qui se réalise à cette époque en langue persane sur la pharmacopée ayurvédique, c'est déterminé par des raisons essentiellement pratiques. D'accord ? Autre question importante qu'il faut considérer lorsque nous allons analyser les raisons politiques de l'écriture de ces traductions et de ces ouvrages, et surtout lorsqu'on analyse les textes qui furent produits pour les sultans et pour les empereurs, parce que plusieurs de ces textes persans sur les traditions indiennes sont des textes produits et traduits à la requête des sultans et ensuite des empereurs moghols, il faut considérer qu'il y a toujours aussi une raison fondamentale, que c'est l'hégémonie et l'appropriation du savoir, d'accord ? C'est-à-dire les mouvements des traductions des sources sanskrites en persan à l'époque du grand mogul, des Akbar, ils deviennent un vrai élément de sa idéologie impériale et de sa politique culturelle, parce qu'il doit se montrer comme l'empereur de l'Inde. D'accord. Et donc la réinterprétation, la traduction, la réécriture en persan des savoirs hindous, il fait clairement partie de l'idéologie impériale des Moghols qu'ils sont en train de s'affirmer comme l'empereur de tous les mondes indiens et surtout d'un empire dans lequel la composante hindoue, il doit être intégré à l'intérieur de l'administration, à l'intérieur des milieux culturels, lettrés, etc. J'entends bien l'argument idéologique, mais quand il s'agit de médecine, on attend depuis fort longtemps que la médecine soit au minimum efficace. L'idéologie peut trouver matière à savonnage. A-t-on affaire, malgré tout le champ idéologique que vous venez de préciser, a quand même quelque chose de tangible, de concret, c'est-à-dire une discipline et un savoir proprement efficace. La médecine, il faut considérer qu'il y a aussi un côté de pouvoir dans la médecine, très très important, et surtout par les grands empires qui avaient besoin d'avoir des armées très fortes, très capables. La médecine était pouvoir, avoir à ses cours les médecins les plus influents et les meilleurs, il était une question de pouvoir fondamental. Il faut considérer les nombres incroyables, c'est-à-dire à l'époque, à cette époque, le taux de mortalité il était vraiment très très élevé, d'accord. C'est là effectivement, c'est la même question dans laquelle se trouvent les Anglais lorsqu'ils arrivent en Inde. D'accord. La question fondamentale pour laquelle les Anglais, au début, ils sont portés à intégrer la pharmacopée locale à l'intérieur des hôpitaux, etc., etc., c'était pour des raisons pratiques. Mais ces raisons pratiques sont aussi des questions de pouvoir, connaître la botanique, connaître les propriétés et les remèdes des substances. C'est vraiment une question, oui, scientifique, certainement, mais c'est aussi un savoir-pouvoir, je pense. Retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Soyez attentifs si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Genève. Une partie d'un chargement est tombée sur les voies entre Aubonne et Rolles en direction de Genève. On a parlé un petit peu de médecine, on peut peut-être aussi jeter un œil sur les autres disciplines scientifiques auxquelles se réfèrent vos travaux dans le domaine de ces phases de traduction. Fabrizio Spezial, est-ce qu'on pourrait citer l'exemple d'une autre discipline représentative et remarquable dans ce domaine-là? En premier lieu, il faut considérer que ces mouvements de traduction des sources indiennes vers les persans se réalisent dans plusieurs domaines. De la narrative, les traditions épiques, religieuses, l'histoire, la musique, les arts et les disciplines scientifiques. Jusqu'à certaines disciplines très particulières, on peut dire petites disciplines, comme par exemple la physiognomonie. C'est-à-dire l'étude des caractères extérieurs du corps et du visage de l'homme dans le but d'interpréter la psychologie et l'âme de la personne. Et donc, pour dire d'autres exemples remarquables qu'il faut considérer dans le domaine scientifique, je n'apporterai notamment deux. Les premières, c'est les traités sur la zoologie et notamment les traités sur les chevaux. Que c'est très très important, parce que les chevaux, à nouveau, la connaissance des remèdes pour les chevaux, il était fondamental pour l'armée, il était fondamental pour les souverains, etc. Donc, on peut prendre par exemple ces traités que c'est les Shalihotra. Les Shalihotra, c'est un traité classique en sanskrit sur les chevaux et sur la maladie et la thérapie du cheval. Ces traités furent traduits au moins 7 fois. À partir du 15e siècle jusqu'à l'époque moghole tardive. Souvent, par exemple, on trouve plusieurs copies qui ont été aussi illustrées avec des miniatures de chevaux, etc. Et l'une des raisons, c'est toujours des raisons d'orthopratique, c'est-à-dire les chevaux étaient un élément fondamental de l'armée. Il y avait une section très importante sur les maladies du cheval et sur les traitements des maladies. Un autre domaine qui attire beaucoup l'intérêt des traducteurs musulmans, c'est l'érotologie. Les Kokashastras, l'un des traités classiques sur l'érotologie indienne en sanskrit, est aussi un traité qui est traduit de nombreuses fois en persan. C'est copié, toutes les traductions sont copiées de nombreuses fois, souvent sont illustrées avec des miniatures dans laquelle on montre les différents types de positions pour l'art sexuel dans la tradition du Kokashastra. Ce type de traité, il était très important. Aussi, on trouve dans la littérature persane de cette époque un très grand nombre de traités sur les remèdes pour les maladies sexuelles, pour augmenter le pouvoir viril des hommes, pour toutes les maladies des femmes, etc. Donc l'intérêt pour ces sujets des savants musulmans s'explique aussi pour ces raisons-là. Est-ce qu'on observe, Fabrizio Spezial, au-delà de cette première période de traduction, est-ce que l'Occident est très attentif à ce mouvement qui s'opère? Si mon calendrier est juste, à l'époque où, en Europe par exemple, les Lumières font une certaine révolution de civilisation, alors est-ce que les Lumières prêtent attention à cette période-là, loin d'eux? Comme je disais, les premières Britanniques qui arrivent en Inde, ils utilisent beaucoup les sources persanes sur les savoirs indiennes, toujours comme un instrument de pouvoir. Il faut toujours considérer ces questions d'ordre politique. Mais à un certain point, c'est-à-dire lorsque en Occident se développe une vraie tradition d'études sur les sanskrits, à partir notamment d'une certaine période, alors en réalité tous ces traités en persan vont être beaucoup critiqués et attaqués. On les considère souvent comme des très mauvaises traductions qui n'arrivent pas du tout à rendre la signification originale, etc., etc. Oui, donc on critique la traduction et non pas le contenu initial du texte. Oui, on critique la qualité des traductions persanes. Mais ensuite, il faut considérer une autre raison fondamentale, c'est-à-dire ces mouvements de traduction, il est resté quelque chose vraiment qui a été très peu étudié jusqu'à maintenant, je pense aussi pour des raisons politiques liées aujourd'hui à une certaine interprétation d'islam et hindouisme qui s'afforme à l'époque coloniale. Comme des cultures totalement opposées, comme des cultures totalement en clivage l'une par rapport à l'autre. Oui, oui, oui. Si on pense, par exemple, l'opinion qui a été donnée à plusieurs reprises, encore jusqu'à récente, par des auteurs comme, par exemple, les lauréats Nobel Nye Paul, qui, lorsqu'il parle des rapports entre musulmans et hindous dans le monde indien, il pense toujours que la culture musulmane il a été totalement incapable d'intégrer d'éléments dérivant de la culture indienne, ce qui n'est pas absolument le cas. C'est donc une construction, c'est une construction, une interprétation, une grille d'interprétation que vous reliez, vous, historiquement, à la période de la coloniale. Oui, c'est surtout à l'époque coloniale qu'il va assez développer dans le monde indien tout un certain nombre des mouvements réformistes, soit dans les milieux musulmans, soit dans les milieux hindous, qui vont évidemment donner une emphase majeure sur la différence entre les deux cultures. Si on pense notamment à certains mouvements religieux réformistes dans les milieux musulmans à l'époque coloniale et dont l'une des buts fondamentales c'était notamment d'abandonner l'utilisation du persan, parce que la langue persane était une langue qui n'était plus un élément identitaire de la culture musulmane et islamique, parce que c'était une langue totalement mélangée avec la culture locale, etc. Et donc ces mouvements réformistes, ils affirment la nécessité de retourner aux sources originelles et pures de l'islam et donc les textes arabes. C'est là, effectivement, sont toutes des questions qui, certainement, vont devenir de plus en plus importantes à l'époque coloniale. Bien sûr, Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il joue un rôle fondamental de la façon dans laquelle les rapports entre hindous et musulmans sont perçus aujourd'hui, notamment, je pense, dans la communication, dans les médias, etc., etc. Et on oublie presque toujours ce qui ont été les rapports culturels, scientifiques, très très importants qui se sont développés à partir du 3e jusqu'au 19e siècle. Demain, la suite de cette semaine, après Fabrizio Spécial, nous serons en compagnie de la chercheuse Sabrina Mervin. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et David Golan. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.